peux peut-être entendre des sons là autour de toi. Et tu sens que tu te relâches davantage encore. Et qu'à chaque inspiration, tu inspires du calme. Et qu'à chaque expiration, tu es de plus en plus en contact avec toi-même, dans cet endroit de paix et de sécurité, là, fous-moi à la l'intérieur paix. De toi. Fous-toi la paix, moi. Fous-t'on, foutez-vous la paix. Non, c'est pas le moment. Et pendant là c'est que pas le moment ton esprit est conscient. Si je comprends bien, c'est encore une histoire d'enculé. Et tout à fait si attentif. Mais je vois pas où ça mène. À mes paroles. Ça te mène, mec. À ce que mais je dis. Tu vas sortir, grandi. Ou mais à quel prix? Genre le prix que t'auras souffert. Le prix que t'auras appris. Le prix du pied. Ton esprit inconscient, à vivre, lui, à vivre est comme là. Les autres vivants. Pas né comme la mémoire. Qui veille la à sa manière poisson. Sur ton et bien-être. Et aussi, t'auras jamais rien voulu. État des temps. T'auras plus ce qui vient, espèce de vendu, enculé. Tu te découvres maintenant bien fait. Et tu t'avais imagines qu'à pas maintenant toutes ces merdes, toutes ces qu'il cochonneries, y a au-dessus toutes ces de ta tête toutes ces accolades, marre des une accolades, boule de marre lumière des connards à accoler. Et comme de racoler, chaleur. Ça fait non, rigoler plutôt le chier d'ours. Laisse-toi créer ce comme un mange d'ours. Une boule mangeons de lumière les et de frais. Chaleur. Mangeons au-dessus les bourses, de ta les bouses tête. De vache. Des féconds de la bouse de vache. Comme par exemple, et quand tu peux pas de laisser cette boule d'énergie coupée. Douce bien, et agréable, parfaitement, comme un le mec soleil. Qui rôde, le mec qui s'en vend, de ne pas trouver. Venir qui s'en veut, là jusqu'à de vivre, ta tête. La malchance de chier du boudin, pour pouvoir respirer. Et cette boule d'énergie descend tout délicatement maintenant jusque dans ta tête. Dans ta tête et parcourt même chaque cellule, chaque parcelle de ton corps. Sens-la descendre dans ta tête, rayonner dans ta poitrine. Et dans ton ventre. Et la lumière se diffuse aussi dans tes bras, dans tes mains, dans tes jambes et jusque dans tes pieds. Laisse-toi sentir cela. En accueillant cette lumière lumineuse, très agréable. Et tu peux sentir que ton corps est en train de se gorger et de se nourrir de toute cette énergie lumineuse. Te régénère d'une façon aussi douce et agréable que c'est possible là, à cet instant. L'énergie sort maintenant par les plantes des pieds et remonte de chaque côté de ton corps, très agréablement, en t'entourant comme un ballon de lumière et d'énergie positive, et régénérante. Et la boule de lumière et de chaleur est maintenant au-dessus de ta tête. Et tu la laisses rentrer en toi à nouveau par ta tête et t'emplir et te nourrir et te régénérer par sa chaleur et sa lumière. Laisse-toi sentir qu'elle dissout sur son passage toutes les tensions qui restaient encore en toi, tandis qu'elle continue de descendre là dans tout ton corps, en te donnant, en te redonnant toute l'énergie dont tu as besoin, consciemment ou inconsciemment. Et la boule de lumière ressort par tes pieds à nouveau. Elle remonte à présent tout autour de toi jusqu'au sommet de ta tête. Et maintenant, la boule de lumière reste au-dessus de toi, tout en déversant une pluie de lumière et d'énergie sur ton corps. Et tout autour de ton corps. Comme une douche bienfaisante. En même temps que tu peux permettre aux tensions de partir et de se dissoudre là, avec cette pluie de lumière et de chaleur. Et maintenant, laisse-toi sentir que tu es en train de faire une expérience tout à fait personnelle et riche. Il te met en contact avec ton être profond et avec ton réservoir inépuisable de ressources à l'intérieur de toi. En même temps que tu peux développer là en toi, à chaque cycle de ta respiration, une nouvelle ambiance de calme et de paix, et même de plénitude. Laisse-toi imaginer maintenant une plage connue ou inconnue, cela n'a pas d'importance. Et pendant que tu appelles ce paysage accueilli sur ton écran intérieur, tu peux voir là-bas la mer et les vagues qui se forment tout doucement. continue. Et qu'ils viennent se jeter délicatement sur la plage. Et les gouttes d'eau se séparent. Et le reflux ramène l'eau vers la mer, voilà. Et tu vois de nouveau une vague en train de se former, pleine de gouttes d'eau qui se réunissent pour aller ensemble vers le rivage. Et qui glissent ensuite sur le sable, en se répandant doucement, et elles repartent vers la mer. Et à nouveau, une autre vague se forme là-bas, là-bas. Doucement. Et elle vient langoureusement vers la plage, vers le sable. Et cela va, et cela vient. Allez, retour. Maintenant le ciel, là-bas, le ciel. Et laisse-toi voir que la nuit arrive. Une nuit sombre, profonde. Peut-être y a-t-il des étoiles. Regarde la profondeur du ciel. Et doucement, tu peux voir apparaître maintenant, ou dans quelques secondes, un petit bout de lune. Un petit croissant de lune. Voilà, regarde. Sa lumière est présente. Comme si un peintre coloriait le ciel. Et le quartier de lune se développe maintenant davantage encore. Encore. Encore. Et c'est maintenant la pleine lune. Regarde. La lune semble posée là, dans le ciel. Lumineuse. Ronde. Toujours présente. Et petit à petit, la lumière de la lune se replie, comme si elle s'enroulait pour former un croissant. Des croissants de lune de plus en plus petits. De plus en plus fins. Et de nouveau, simplement, le ciel est une immensité bleu sombre. Seules peut-être les étoiles brillent là-haut dans le ciel. Et de nouveau, la lumière se déploie et un mince croissant apparaît, fin, très fin. Regarde. Et se développe encore. Et encore. Et encore. Et encore. Et la pleine lune éclaire maintenant le ciel tout autour d'elle. Et tu peux te laisser goûter, savourer et apprécier cette danse continue. Là, de la lumière et de la lune. Voilà, là. Et la lune doucement se couche. En même temps que le soleil arrive au bout de l'horizon, le jour va se lever. Le ciel se colore du soleil levant. En même temps que tu regardes le soleil se lever, se lever encore. Et encore, et encore. Et maintenant, le soleil est haut dans le ciel. Regarde. Regarde la couleur du ciel, clair et limpide. Et la couleur du soleil occupe tout l'espace dont il a besoin. En envoyant ses rayons là-bas, sur toute une surface, pour toute une partie de la surface de la Terre, laisse-toi sentir la force tranquille du soleil, en train de nourrir de lumière et de chaleur tout ce qui est en dessous de lui. Regarde-le. Et doucement, accueille maintenant des nuages dans ce ciel. Laisse-toi prendre le temps de voir des nuages là ou là apparaître dans le ciel. De petits nuages cotonneux, fluides, qui avancent. Tu ne les as pas vus venir, peut-être. Et déjà, ils sont là. Laisse-toi les suivre des yeux, là, simplement. Regarde les nuages passer. Ils passent comme passent des pensées. Et tu les laisses passer, sans t'attacher à leur présence. Regarde-les passer encore dans le ciel, là, devant toi. Regarde ces nuages avancer. Avancer. Poussés là par l'air et le vent. Laisse-toi percevoir leur poids, leur couleur, leur forme. Et comme ils sont venus, ils se désintègrent là délicatement. Dans le ciel, dans l'espace, et disparaissent maintenant sous tes yeux. Peut-être que de nouveaux nuages naissent et avancent là dans cette étendue de ciel. Tu te laisses les suivre des yeux, tandis que tout doucement et sans bruit, ils disparaissent encore et encore. Et le jour s'estompe à présent. Regarde le soleil descendre lentement, tandis que tu le regardes. Et tu sais que tu n'as rien d'autre à faire qu'à laisser le soleil glisser vers l'horizon là-bas. Tandis que tu le vois descendre et descendre encore, tu sais que la nuit va venir. En même temps que tu sais que le soleil se lèvera ailleurs, devant d'autres yeux, là-bas, toujours là et ailleurs. Et tu te laisses imaginer maintenant une petite région. Permets-toi de laisser un peu une région. L'eau est transparente et fluide. Et tu peux même voir le point d'eau qui repose dans le niveau de cette rivière. Les eaux aussi arrière que possible. Je vais vous donner. François nettoie des armes. Machine à sous vide. Charlotte, Vanessa, Anne sont en croisière. Elles s'amusent. L'arrivée des trois meufs à Algésiras. Pascal travaille au consulat. C'est la montagne. Ses efforts. Comme il se donne. Ashrod, Negev. Et encore. Préparation deuil. Et de nouveau. Fête de l'ivresse orthodoxe. Épuisé. Regarde-le qui se laisse pas préparer. Charlotte, Vanessa, Anne, Red, bourré. Et le poisson maintenant se laisse aller. Déambulation, cité Carcassonne. Par le courant. Laisse-toi regarder cela et voir. Et tu sais que tu découvres et apprends là de façon agréable tout ce qui est bon pour toi à cet instant. Consciemment ou inconsciemment. et du contraire. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance. En même temps que tu ramèneras avec toi tous les bénéfices, les bienfaits de cette expérience dans ta vie quotidienne et toutes ces ressources seront désormais automatiquement disponibles. À chaque fois que tu en auras besoin, sans que tu aies même besoin de faire quoi que ce soit pour cela. Voilà, laisse-toi respirer dans cette ouverture. Voilà, donc je vais laisser le micro. Ouais, c'est ça, on peut dire ce qu'on veut en fait. Quoi, y a un problème ? Ouais, c'est cool. Et donc, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, comme je disais tout à l'heure. C'est l'émission Nuisance qui sont pleins depuis à peu près 40 minutes, 50 minutes peut-être. Et non, 40, on va dire. Peut-être même moins en fait, 30. Voilà. Avec des invités ce soir qui se présentent ou pas comme ils veulent, je m'en fous. Mais on s'en fout aussi. Hein, voilà, vous faites ce que vous voulez. On s'en branle. Ouais. Carrément. Si vous voulez. Ouais. Vous n'êtes pas obligé. Non. Vous pouvez si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vas-y. Donc bonjour, moi je m'appelle Ginette. Voilà. Bah, moi c'est Marcel, salut. On est fait pour Marcel. S'encontrer. Je le savais. Je l'ai vu directement dès qu'on s'est vu. Et il y a Robert quelque part ou ouais, je Léon suis là. T'inquiète, il va pas tarder. Toujours présent. Oui. C'est cool. Salut Robert. Toi aussi, t'as un prénom ridicule, c'est ça? Bienvenue, hein. Ah, ridicule, bienvenue parmi ridicule. Nous. Grotesque, quoi. Avec un sentiment d'appréciation de toi-même. Pleine de confiance, plein de confiance et d'élan pour ce que tu as à faire désormais et les jours suivants. Et tu sais que tu continues de développer la confiance en toi et dans ce qui t'entoure. Mais pas trop quand même. Et dans la vie, dans le mouvement de la vie. Et tu peux déjà sentir que tu auras beaucoup de plaisir à te ressouvenir de ce voyage à l'intérieur de toi. Elle est vraiment horrible cette radio. Et tu vas commencer à te réorienter de la là, merde, dans ce lieu où tu es installé, où ton corps se repose. Voilà, laisse-toi... Reprendre à présent contact avec ta respiration. Non, mais après, moi, tu trouves ça mieux, toi? Regarde ta respiration, ton souffle. Écoute-la. Je sais pas, tu sais, si. Sens ta respiration qui va et qui vient là, dans ton corps, sans avoir besoin de faire. Quoi que ce soit pour cela. L'instant d'après, quoi. Ah oui. Prends le temps d'observer ta respiration. On juge l'incohérence, l'absurde, tout ça. T'as pas pris la gueule. Si. Mais il n'a rien fait. Laisse-toi constater à quel point elle s'était ralentie. C'est faire le choix de ne rien faire. Approfondie. Je respecte. Sans sa profondeur. Son calme, Laurence Simenon, je crois qu'elle s'appelle. Et sa régularité. Ouais, c'est ça, mais j'ai ralenti un peu pour que ce soit encore plus soporifique. Laisse-toi savourer ce bien-être que tu te donnes à cet instant. Nuisance. D'accord. Et laisse-toi apprécier Non, elle est... Apprécier la vie. Regarde, elle est brillée. Qui circule la, la lame, elle est pérave. À l'intérieur de ton corps, le physique. Ouais, mais t'en tires rien, t'as vu. Enfin, normalement, il gambarde comme ça, t'as pas besoin d'y aller comme tu vas, quoi. Ça galère un peu quand même. Que tu entends toujours ma voix pour te permettre à ta respiration de devenir plus lente, plus tonique maintenant. Et je me demande... Ouais, Ben, si tu m'entends, si t'écoutes cette radio, je t'emmerde, je t'encule. Parce que franchement, t'as une guimbarde, et ben elle pue. Je te dirais, tu m'as filé une guimbarde qui ne marche pas. Et c'est un squatter, non? Non, il squatte plus. Il a repris ses études et tout. Ah, parce que nous on connaît un autre Ben, mais lui c'est un squatter. C'est Benichou. Ouais, mais je vois de qui tu parles, mais ouais. Ouais. En même temps, je l'ai vu qu'en soirée ce mec là. D'ailleurs, il a pété la roulette ce matin. Et toute la nuit d'ailleurs. Ah ouais. Il a cassé la roulette. Ouais. La roulette et la rondelle ou. Juste la roulette. Juste la roulette. Ah ouais. Okay. Il s'est fait péter bien comme il faut. Elle marche pas. Hein. Mais à ce qui paraît, il y a moyen de la faire changer. Enfin, je sais qu'à Joliba, normalement, ils peuvent changer la. La tige. Et t'as fait de la pub. T'as fait de la pub. Ouais, j'ai fait de la pub. Avec le cap, j'ai réussi à faire un truc de bras. Comme ça, mais... Attention, il est bientôt 10h. Et 10h. Et moins 30, moins 30, moins 30 secondes. 30 secondes. 10h. 10h. Donc en fait, le but ce soir, c'est de ruiner vos oreilles. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Radio Nuisance. On vous chie dans... Dans la face. Et dans la bouche, voilà. Surtout. Surtout dans la bouche. Parce que ça a plus de goût. Ouais, mais c'est pas faux. Moi, j'aime bien le goût de la merde. Avec des petits oignons. C'est bon. Ah, de l'ail aussi, ça fait un truc, ça relève de suite pour la chose. Ouais, mais la meilleure recette, c'est mamie qui l'a. Et c'est quoi la recette de mamie? La recette de mamie? C'est des petits oignons, bien frits, avec un petit peu d'ail. Ah, quand même. Et l'ail. Bonne échasse. Mais l'ail au lit. Qui date d'il y a 3 jours. Elle fait mariner tout ça et elle met des petits champignons. Ah, les champignons, c'est vrai que ça manquait dans l'affaire. Ah ouais, c'est super. En fait, ouais. Vous parlez cuisine, quoi. Ouais. On vous dit, vous pouvez parler de ce que vous voulez, ouais, vous parlez on, cuisine. On parle de cuisine scatophilique, s'il te plaît. Voilà, scatophile, alors, ouais. Ah ouais, ça je veux bien, ouais, d'accord. T'aimes bien la merde, c'est ça. C'est à quel moment t'as eu merde dans la discussion, là? J'ai pas entendu merde. T'as pas entendu la merde. Voilà, c'est ça. Écoute-nous. Merde. Écoute-nous. Ouais, mais je vous écoute, mais j'ai pas entendu, quoi. Excusez-moi, pardon. Tu veux du fion? C'est ça, c'est fion, c'est caca prout. Moi, c'est ça, hein. C'est ça l'art. Caca, prout. Voilà, c'est ça, parce qu'on a le droit de s'exprimer, merde, quoi. Pipi, caca. Voilà, c'est ça, prout. Mm-hmm. Merde, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Plutôt ça, ouais. Mais on peut ne rien faire. Il s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue. Qui pue, Moi, parce qu'aujourd'hui il fait jour, il a pas neigé, et pour Brick il faisait assez chaud. Ouais, moi je trouve quand même qu'il neige pas parce que. Les palmiers sont mis à pousser. Il pourrait y avoir de la neige parce que les palmiers pousseraient pas, comme ça serait mieux. Moi j'aime bien quand c'est froid. Mais ça pousse dans le sable. Parce que ça pousse dans le sable, il n'y a pas de cailloux. Et pareil, comment on peut faire, je sais pas. Donc on appelle un astronaute. L'astronaute il arrive, il vient, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Et là, il a fait un nid, il a fait un nid. La nature c'est trop bien parce que moi j'aime. Et à partir de là, on a gagné. À partir de là, on est vivant, on est gagnant. Ça, c'est dégueulasse. Mais non, justement, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ce qui est bon, c'est bon. Vous aimez le goût du caca ? Mange ma merde. Mange ma merde. De toute façon, c'est ce qu'on fait tous les jours, du matin au soir, toute notre vie. Donc bon, il faut appeler un chat, hein. En même temps, c'est vrai, en même temps, il faut avouer que le matin, tu te lèves, tu bois un café, tu pisses ton café, et puis ça part dans... Mais le café, ce qui fait sur ton foie, tu crois que c'est quoi, hein? Tu crois que c'est quoi, le café, le café, ce qui fait sur ton foie, hein? Caca dans ton foie, dans ton foie. Cacao, comme la croix du cacao. D'abord, cacao. Bord. Non mais oui, parce que non. Non, pourquoi non? Et dis-nous, Josiane, est-ce que tu peux nous raconter ta dernière expérience d'horreur de caca? Ma dernière expérience de caca. Oui. C'était pas quoi? C'était pas très glorieux. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que j'ai lâché. Mais justement, c'est ça qui est bon, parce que quand t'as la chiasse, tu peux faire des milkshakes à tes potes. Ouais. Bouffer après, ouais. C'est ça. C'est quand même grave. Bouffer sa merde. Les trucs au cacao, tout le monde aime. Hein. C'est clair, et surtout bouffer sa merde, quoi. Ouais, mais ouais. C'est nous, grave. On a des copains, ils font du penque marocain, Zoher, Zach et Simo, et eux, ils sont jamais plus performants que quand ils mangent leur caca avant. Ah ouais, ils adorent. Ça booste. Hein. Alors, du punk marocain qui tire vers le reggae. Tu mangeais quoi dans Astérix et Obélix, hein? Je vais dire, bah ouais, il y a des trucs qu'on nous dit pas. Bah ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a en même temps? Parce que quand ils ont sorti le truc de la viande de cheval, mais c'était pas du cheval, hein? C'était des excréments de cheval. Non, c'était des gamins, des bébés. C'est des petits bébés atrophiés. Pourquoi? C'est des qui sortaient du congé. C'était des fœtus. Des fœtus morts. Après, vaut mieux venger du cheval ou avoir des cochons au gouvernement? Hein? À choisir. J'aime bien avoir des cochons au gouvernement parce que. Fais du porc. La merde et la bite de cochon, tu peux en faire du cyanure. Oui, du porc, mais halal. Et le cyanure, c'est très utile. Surtout quand il y a des gros cons. Et il faut leur faire manger leur caca. Et bah le cyanure, il n'y a que ça de bon. Oh, ça et le con. Le con qui bouffe sa mère. Toute la nuit. Toute la nuit, ouais. Et non, ouais. Toute la vie. Ou il peut la boire aussi, hein. Et il continue sans jamais s'arrêter. Jamais. Il bouffe sa merde, qui pue la merde. Et puis une fois qu'il l'a chier, il la remange. Hein, voilà. Oui. Et il boit sa pisse. Parce qu'il a que ça à foutre. Et parce oui. Il se fait chier. Puis il a une tablette. Puis c'est chaud. Il vomit un peu le tout. C'est chaud. Et il a une tablette sur la hotline Canet Sud 92.2. Parce qu'il a une tablette. Venir expérimenter vos expériences scatophiles avec nous. Parce qu'il a une tablette. Chocolat. Ah. Une tablette en plastique. Fantastique. Bon. Vous voulez que je vous raconte mon dernier orgasme? C'était il y a pas très longtemps. Tu m'attends, j'ai pas répondu encore. Sûr qu'il y a plein de caca. Mais oui, justement. Moi, je veux savoir s'il y a du caca. Mais voilà, mais c'était voilà. Du gros caca et. Arrêtez, moi j'entends pas et j'entends pas. Et je suis devenu sourd, là. C'était à chier. C'était à chier. C'était à chier. C'est ça. À chier, ouais. Ah ouais. C'était ça l'orgasme. C'était de la merde. Bah oui. L'orgasme, c'est de la merde. Moi je dois vous avouer. Non, mais des fois c'est du vomi aussi. Hein. Ouais, mais c'est du vomi qui pue. Alors la que la merde, merde ça pue pas. Ça dépend ce que t'as mangé. La merde, c'est bon la merde. Des fois tu manges des fraises, mais t'as c'est mieux les tomates. Parce quand que ça, quand ça je sort, travaille. C'est bien. Quand je travaille, la merde, j'aime ça moi. Parce que comme ça, j'ai l'impression d'être quelqu'un et j'y arrive quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai réussi quelque chose dans ma vie. De merde. Quand je travaille, j'oublie. Tous les bruits que vous entendez, c'est les petits enfants. Ouais, qu'on est en train de violer. C'est qu'on a engorgé. Égorgé et violé là en ce moment. Là. Mais ils ont tous plus de 12 ans. Tiens, que... voilà, du boudin, mais... voilà, ah, du boudin. Parce que les mineurs, non, mais on n'en veut pas. Hein. Tous plus de 12 ans, tous. Hein non, non, non, vraiment. C'est ça, ceci est certifié. Je préfère 14 ou 15 ans, comme ça c'est la majorité sexuelle, tu fais beaucoup plus de trucs avec. Non, moi c'est que je rentre pas, en dessous de 12 ans, je rentre pas dedans, c'est trop petit pour moi. Ouais, je comprends. J'aime bien chier du gamin de 12 ans parce que ça pue la merde. Moi, ce que j'adore chier, c'est les Pokémon. Cool. Toi aussi, t'aimes bien chier, en fait. Ouais. Bah, c'est vraiment mon grand plaisir, en fait. Ouais, moi aussi, j'adore l'anal. Ouais. L'anal, j'hésite pas, moi. Bon, bah, c'est bien. Ouais. L'analgésique. L'analgésique, tu l'as fait. Non, mais non. Et tout ça produit à la ferme. Hein. Violon. Lorsque mon esprit eut trouvé son calme et que l'entendement fut libéré, je pensais. Preneur d'empreinte qui force. Bah parce que on est gêné et que c'est la première fois qu'on. Non, si si on nous entend là. Sérieux, je peux dire à tout le monde que je suis dans la bouche. Je n'ai souci de rien. Disons que c'est la base quoi. Malgré tous mes efforts. C'est la base. Bah, ça marche. C'est plutôt beau, ça marche. ça marche. Non ça marche pas, c'est de la merde. Ça marche. En sublimé, dangereux à toucher. Ah. Ça marchera jamais, on n'y arrivera jamais. Moi, je pense que ça marche plutôt bien. Faut mieux qu'on se suicide tout de suite. Ouais, mais avant 2012. Non, mais avant de se suicider, on va tous vous faire chier un peu ce soir. Mais oui. Comme ça, on pourra tous faire quelqu'un ensemble. Pour vous, l'électricité est toujours la même, hein. Mais pour moi, pas vraiment. Pour se aimer tant que vous voudrez. Ah. Parce que moi, j'ai pas d'électricité, je suis un clochard et j'en ai rien à foutre de la société de merde. Non, je vends des portails pour des kebabs. Et des sardines aussi. La société, je l'encule. Fumer ça tue. Et mourir c'est mieux. C'est mieux que puer du cul en tout cas. Ouais, mais ça dépend. Car il me héroie toujours. Parce que tu peux mourir et puer du cul. En même temps. En même temps, bah ouais. Et là par contre t'es vraiment dans la merde. Dans la merde. Ah merde, ah alors là direct non, moi je me casse quoi. Alors. Et casse-toi pauvre con. Je suis François, cela me pèse, eh oui. Né à Paris, près de... Il y a de la tension dans les studios. Wow. Et par la corde d'une toise, mon cou sera que... Attends, je suis un peu... Mais c'est vulgaire. Ce que mon cul pèse. Et pourtant, c'est un poète renommé, hein. Oh. Mon cou sera ce que mon cul pèse. C'est très beau. Moi, je trouve que c'est super bien écrit, hein. Ouais. Bon, ils arrivent vraiment, les autres, là. Et c'est super bien écrit, et justement, ce qui fait que c'est encore mieux écrit, c'est que ce gars, il y a... Quand il était jeune, c'est-à-dire au 15e siècle... il a tué... 1430. Voilà, ah, il a tué un prêtre, en fait. Un évêque ? Il a violé au moins. Ah mais... Un peu, oui. Et il l'a buté. Un bon prêtre. Bien catho, comme on les aime. Mais c'est parce que ce prêtre, en fait, il n'était pas suffisamment scatophile à son goût. Et il aimait pas trop... manger son vomi. C'est pour ça qu'il l'a tué. C'est triste. Tout explique. Les espoirs, les désespoirs sont effacés. Les règnes abolis. Les tournements se coiffent de mépris. Les astres sont dans l'eau. La beauté n'a plus l'ombre. Tous les yeux se font face et des regards égaux. Partage la merveille d'être en dehors. Farid et Davy, c'est pour vous. Je sais que vous ne nous entendez pas, mais je pense que vous êtes de la merde. Voilà, exactement. La nuit, les yeux les plus confiants, jusqu'à l'épuisement. La nuit, sans une paille. Le regard fixe, dans une solitude d'encre. Ambiance de folie ce soir dans les studios de Canal Sud. Nous sommes vraiment en train de vaquer à nos occupations, de vous divertir du mieux que nous puissions. Prout. Alors Villon a écrit dans sa rubrique Testament: Prince aux dames de Paris, donnez le prix du beau langage. Quoi qu'en disent des Italiennes, il n'est bon bec que de Paris. Parce qu'il est reconnu que toutes les filles de Paris sont les meilleures suceuses. Et ceci dès le 15e siècle. Et oui, mesdemoiselles et messieurs. Si calme. Chouette. La peau grise, éteinte, calcinée. Oh, faible de la nuit. Grise dans ses fleurs. Amoureuse, cela lui va bien d'être belle. Elle n'attend pas le printemps. Oh merde, des hippies quoi. Oh. Non, c'est pas des hippies, c'est le truc pour Napoléon Bonaparte en fait. C'est une chanson pour Napoléon Bonaparte. Allez, donc on va se la taper quoi. L'empereur, lui l'empereur. Un peu écossaise. Hein. Dansez citoyens, dansez. C'est ça ouais, les doux citoyens de la République. Et la grosse Margot alors? Eh ouais. Hélène. Billot, il y fait même une belle dédicace. Justement, elle mangeait pas suffisamment de caca, mais pas du bon caca. Tellement qu'elle en est devenue très grosse, la grosse Margot. Mais pourtant, ça reste une image très douce. Et ceci, je le dois à notre Seigneur Dieu, cette créature si dévouée, qui aime manger tout le caca. Dieu, le caca, c'est délicieux. Dis pas ça, c'est dégueulasse. Mais non. Mais pourtant, pas c'est toi. Vrai. Gardez vos rôles, bordel. Ah putain, c'est cool, il vient de chier sur le micro, je vais décrire la scène. C'est net. Merci de ta participation. Ah oui. Et c'est dommage, vous avez pas l'odeur avec. Ni l'image. Et pourtant. Non, je suis content. Je suis content de nous avoir invités, quoi. Ça fait de l'ambiance. Bah oui, c'est sûr, du bon caca, voilà, c'est comme ça. Il faut. Je crois que vous avez compris la scène, en fait. D'une seule caresse, je te fais briller de tout ton éclat. Ah oui. Ah, c'est bouche gourmande, des couleurs, et les baisers qui les dessinent. Flammes, feuilles, l'eau langoureuse. Une aile les tient dans la paume. Oh. Comment on fait des larcènes? Mais des larcènes. Il y avait un petit truc, un bouton et... Barrez-vous. Mais je vais... Alors maintenant, nous avons un petit texte de Balade en jargon. Le bon Villon, toujours le même, il décide de faire un appel pour que tout le monde puisse suivre ce dire. Preneur d'empreintes qui forçait de gros coffres pour dépouiller le bon Dieu. Allez ailleurs, baisez vos femmes. Bavard, vous êtes de sacrés filous. Le faux frère s'en va chez les malins et raconte qu'il a les sots. Mes frères, bouclez-la et gardez-vous des cachots épais. En coquillard. Voilà, et ceci en fait c'était à peu près pour se fournir un alibi. Puisqu'ainsi c'est... J'ai une petite bite. C'est dit. Moi aussi, Non mais n'importe quoi, on peut pas être sérieux deux minutes ici. Et c'est dur, tu comprends? Plus c'est petit, plus c'est dur. Que j'ai sous la langue. Plus c'est petit, plus c'est dur, mais c'est paradoxal. Surtout si on ne sait pas s'en servir. Hein. À quoi ça sert? Mon petit à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parlons, ça sorte. Parlons. C'est vrai. Mon père, il me l'a dit. Mon père, il a dit, j'en avais une toute petite. Mon papa que j'aime. Mal agrandi depuis. Et qui préférait celle de maman. Celle de maman avec son doigt de ceinture. Qui pensait à maman. Quand il me prenait... Dans le cul. Papa, il m'aime. Papa, je t'aime. Papa, il m'aime. Il m'aime, papa. Oui, mais il m'aime. Mais il m'aime plus que les autres enfants. C'est il m'aime plus que ma maman. C'est parce que c'est mon papa. Parce que mon papa, il est mort. C'est pour ça qu'il m'aime. Il est mort. Il est mort-né. Né est mort. C'est pour ça que je l'aime, mon papa. Je l'aime. Bien dégoulinant de sang, de merde, de pisse et de mort, faut connaître ça. Mais c'est pas la même chose. C'est vachement mieux que de lécher le cul à un bébé né avec un peu de chance. Suis-je en faisant des mais bon, passons à la technicité. Soyons clairs, allez vous faire chier, le pendu par les couilles. Je veux crever, c'est sûr. Je veux clamser. Débourrer. Fais chier. Faut chier. Ah, ça marche pas. Mais je voulais dire, c'est peut-être de la merde, mais on aime ça. J'espère clamser. Ouais, c'est clair, mec. Je suis avec toi. Moi. Ouais, t'es avec moi. Ouais, parce que les autres, ils s'en branlent, ils rigolent. Ils poètent, agadage. Les autres, c'est de la merde. Ouais. Nous, on est tout, nous. Bah, nous, on chie sur la merde. Ouais, nous, on est de la merde. Parce qu'on c'est ça qui est on bien, aime nous. La merde et tout le monde est merde. Allô, mamie? Non, mamie est morte. Non, mamie, elle est là. Mamie est morte. Mamie, elle est là. Mamie est morte. Wesh, mamie! Wesh! J'ai défait. Crevez heureux enfin, c'est pas trop tôt. Mamie, ça, c'est rien que pour toi. Alors, à tous ceux qui se sentent seuls ce soir. Et pour mamie. À tous ceux qui veulent penser à mamie ce soir. Mamie! Mamie! N'hésitez pas à appeler le 07 77 03 71 34 92.2 Canal Sud. Nous répétons un peu plus doucement pour que vous ayez le temps de noter. C'est pas mal, hein, on aime bien parce que ça arrive comme ça. Le 07 77 03 71 34. Voilà, histoire qu'elle se sente bien ce soir. Ou pas. Appelez-la. C'est mamie. C'est mamie. Elle est gentille. Voilà. Elle fait des bons gâteaux. 07 des bons gâteaux au caca. 71 34. Allez vous faire foutre. Ouais. Moi j'aime bien me faire enculer. Ah ouais, t'aimes bien? Ouais, ça va, c'est pas trop mal. J'ai pas envie de faire du Larsen dans leur gueule. Je préfère quand c'est mamie qui m'encule en fait. Arrête. Et je te jure. Arrête de me forcer. Mais putain, parce que là. Au moins. De quoi? Ne force pas. Non. Mais. Mamie, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Vous, je vous ne savez pas. Je me forcerai après. Je vais me forcer. Je vais me forcer à me faire toucher par papa. Et par mamie? Ouais, mamie aussi, je la toucherai. Aussi, elle se touche. Mamie, c'est un cadavre, elle est morte, ma mamie. Je la touche dans son cercueil. Ah, elle est bonne, mamie, elle est bonne. Elle est bonne, dans son mamie, cercueil. C'est sûr, ça. Ah, je lui touche la moule. Ah, c'est bon. C'est Et spécial dédicace à Philibert aussi. Ce bon vieux Philibert. N'est-ce pas, Mika? Alors, ce soir, c'est la soirée des numéros aussi. Hein. Philibert, par contre, faut pas l'appeler. Hein. Les numéros, voilà, si des fois vous vous sentez seul, que vous avez un petit peu besoin de chaleur, de réconfort, de... Mais de réconfort fort. Fort, hein? Non. Dans ton cul. Sinon aussi, si vous voulez, vous pouvez vous faire prendre par trois Marocains qui font du punk en même temps. C'est du reggae. Ah, c'est du punk reggae. Non, c'est dur et gay. C'est dur et gay, ouais. C'est pas du reggae, c'est du reggae, quoi. C'est un peu ska sur les scatophiles du reggae. C'est du reggae scatophile, en fait. C'est comment dire, c'est du... Voilà. Tu vois, quoi. Hein? Oui, je crois que je vois très bien. Très, très bien, même. Justement, j'ai essayé avant-hier. Et on peut mettre un 8,5, 8,75 sur 10, hein. Oh, au moins 9. Hein. Franchement, ils ont un bon level. Ouais, parce que c'est un bon trio. Un bon level. Zach, Zoher, Simo. Il y en a une, elle va se faire fesser ce soir en rentrant à la maison. Méchamment. C'est pas grave, j'entrerai pas. Fesser ce soir à la maison. Fesser ce soir à la maison. Mmh. 06 88 76 un bataf. Oh. 06 88 76 81 92 81 07 92.2 Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, vous écoutez Canal Sud. Et vous avez pas de chance. Non, vous avez pas de chance parce que là, il y a une sacrée flopée de connards dans le monde. Et c'est pas nous, c'est les autres. Alors là, écoutez-nous, vous avez la sainte vérité avec vous. Non, c'est, si pas, vous... nous, c'est pas nous. C'est si, pas c'est vrai. C'est si, pas c'est nous vrai. Qu'on est, non. Nous, on est bien, nous. Alors du coup, on va leur dire des choses bien parce qu'on est bien. Alors déjà, pour ma part, je dirais que de bouffer de la merde, c'est pas mal. Ça peut faire le truc qu'il faut pour chier du sang. Voilà. Donc ça, c'est pour ma part, c'est dit, quoi. Ah ouais. Voilà, je crois qu'il y a moyen. Du verpilé avec un peu d'harissa. Voilà, c'est ça. Ou du colorant rouge. Bon, c'est pas drôle après. Si, du colorant rouge. J'ai envie de chier rouge. J'ai envie de mettre du rouge partout, du cul. Tu sais, ça me fera penser que je suis une femme, quelque part. Ça restera marron. Loin, de loin. J'ai l'impression d'être une femme de loin. Si je pisse du sang. Enfin, si je chie du sang, je veux dire. Mais quand même, j'aurais l'impression d'être quelqu'un, quoi. Que là, je suis personne. Je suis un pauvre con. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Prout. Prout, tout à fait. Donc on allait passer de l'art. Voilà, donc il y a de l'art en fond, quoi. Donc si vous voulez du lard, il y en a plein. Il y a de l'art en fonte aussi. Il ouais, y a de l'art en tonte. Et de l'art qui fonte. Et l'art qui fouette aussi. Ah ouais, là ça fouette chez toi. Hein. Là je suis content d'être chez moi, là. Santé. Pas les pieds surtout. Alors si on abordait un sujet intéressant, par exemple... Le caca. Non, ça on l'a déjà abordé. Ça, on l'a déjà fait. Voilà, donc on va essayer d'aborder le sujet de la mort. La mort. Bon, bah c'est fait. Voilà. Suivant, on pensait les automobiles. Les automobiles, donc les automobiles, Ferrari. Alors ça, c'est le foot. Carlita. Passe un mur. Le foot, ça vous dit le foot? On peut parler du foot et des automobiles en même temps. Justement, Carlita a joué au foot. Elle jouait à la Ferrari avec son ballon. Avec sa voiture. Ah ouais, chouette, c'est cool ça. Ça me donne envie de péter, quoi. Bon bah ça c'est faire, hein. Carlos hein. Je te laisse faire mon pote. Bon attends. Je monte sur le bureau. Ah non, je me chie ça dessus. Y est, c'est fait. Non, je me chie dessus. Non, c'est bien tombé, c'est bien tombé. Non, je trouve que ça allait bien ensemble, tu vois. Quoique séparément. On va pas. Ça allait bien aussi. C'est bon, c'était pour rire. Ou pas, mais. Il y a un truc qui se passe quelque part sur Terre et on en fait pas partie, quoi. Alors T'as un verre, Al? Ouais, j'ai un verre, j'arrive. Donc, nous avons une nouvelle annonce pour un jeune homme très spécial et... Vous pouvez parler anarchie avec lui, vous pouvez parler intégration, vous pouvez parler beat, vous pouvez parler... Non. Chat. Non plus. Bon, intégrisme alors, et social fondamentalisme. Ouais. Et justement, c'est une spéciale... Masturbation intellectuelle, oui. Voilà, exactement. Bah, si, ouais. Et justement, si par hasard, ça vous excite de voir... de jeunes, beaux et virils asiatiques. En train de se faire laminer le mou. Non, faire du jardinage en robe de grand-mère. Mamie Stéphane, appelez-le 06 79 25 13 49. Je répète, je crois que c'est un truc genre non. Je suis une salope, appelle-moi, c'est ça les gars, j'ai bien compris. Non, justement, mais c'est de la masturbation, mais intellectuelle. Je suis une grosse salope, appelle-moi. Sans la main, 06, sans la bite, sans les fesses. Juste sans... avec le cerveau, oui. Et les orteils. Il vous manque les images quand même. Un sujet à aborder de prime abord. T'en peux plus mon gars, tu vas craquer. Ouais, il va nous tuer quoi. Bon. Et ensuite la trompette. Allez, essaye la trompette mec. Avec ton fion je veux dire. Avec ton fion ça va être dur. Hein. Okay. Tu auras du mal. Faut du souffle quoi. Ouais, il va y avoir des morceaux dedans après, c'est embêtant. C'est dégueulasse. Brigitte est en train de nous tuer par asphyxie. Si vous pouvez appeler les autorités qui conviennent. Ils arriveront peut-être. Peut-être. Enfin sûrement, donc on va pas les appeler quoi. Tu vois. Voilà. Mais en fait ce soir là on est parti sur la lancée des numéros de téléphone. Parce qu'on se dit que le public de Canal Sud, les auditeurs de Canal Sud, vous, pas envie vous avez peut-être. Mais non, ils ont pas envie justement, d'entendre ça. Non, ils veulent plutôt entendre des choses plus intéressantes, genre l'état de la politique ou de peut-être du climat actuel dans l'activiscence. Mais ça, c'est pas le truc de Canal Sud Nuisance, je veux dire. C'est plutôt le machin de quelqu'un d'autre. Donc je vais essayer de déblatérer un peu des âneries pendant 3 minutes. C'est quoi, sinon on aurait appelé Laurent de comprendre Laurent le truc, Maquis. Tu vois, parce que comme ça couvre un peu tout et voilà, ça déblatère, c'est ça. Déblatérance, tergiversation, aussi incohérence et carrément bah, nihilance quoi, puis merde. Hein. Fuck it quoi. Nihilance. Pour mentir. Cette question que je bordel ici, y a rien qui se passe, c'est l'enfer. Moi j'ai envie de manger des sucettes. Bah ouais, bah, c'est ce que j'étais en train de me dire justement à l'instant et j'en ai pas donc je vais faire sans quoi. C'est pas grave, on peut prendre autre chose. Moi je pense que c'est bien d'écouter. Merci Josiane, merci. Merci Brigitte. Non, moi c'est Ginette. D'accord, excuse-moi je parlais à mon fion. Ah, parce que ton fiancé s'appelle Brigitte. Aujourd'hui, oui. Brigitte le lavé noir. C'est elle. La Véronèse. La brune, c'est ça. Je sais pas trop. Je m'entends pas parler en fait. Je suis loin. T'en penses quoi des blondes qui se chient dessus, Josiane? Je trouve ça propre. Je vais pas Josiane. C'est quoi la question? Qu'est-ce que... Pourquoi pas? Parce que c'est pas ce soir. Parce que Josiane, c'est ta meuf. Alors, c'est demain que tu t'appelles Josiane, mec. J'ai pas le droit de propriété sur n'importe qui. Pas le droit de t'approprier n'importe qui non plus, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, merde. On a rien compris, on peut recommencer? Bah non, c'est pas possible. Donc c'est là où c'est intéressant. Donc Nuisance, c'est l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui fait chier, l'émission qui s'encule elle-même, tu sais. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, on est en train de pratiquer des fistes là, si ça vous intéresse. Voilà. Anna et moi, je suis là pour ça. Cette très chère bite. Ma très chère. Bite. Mais justement. Déjà vu. La merde. Ma très chère. Moi, je voudrais savoir ce que les filles font quand elles se retrouvent face à. Ou les garçons face à une bite ou un vagin qui pue. Ah, moi j'y mange tout. Moi j'y mange tout, l'odeur, le tout, le tout. Moi j'y mange tout. Ah, tout. Même les morpions? Même les mouches. Ils font la grimace. Ça c'est bon. Comme les mecs d'ailleurs. Ah bah les garçons, les filles, quoi. Les hérissons, les chevreuils. Oh les chevreuils. Mmh. Oh les chevreuils. Enculé de chevreuils. Eh. Apéro. Oh mince, excusez-moi, j'ai bu de l'alcool. Salut public, non. Ici merde. Non mais, je suis désolé. On peut pas parler n'importe quoi non plus. Pardon. Non, excuse-moi, c'est vrai. Non, c'est pas toi que je disais ça. Je disais ça aux deux mecs derrière moi, là, tu sais. Ah, attends, je... Il parle de merde et tout. D'accord, attends. Il y a mamie Bernadette qui nous appelle. Ah ouais, super. Génial. Voilà. C'est super, mec. C'est de l'art. C'est du lard, même. Du lard. Ouf, attends, je reviens. Oh. Bako, je t'aime. Même si t'es con et que tu pues du cul. Les fistes se passent bien? Tout à fait. Ça s'ouvre. Jusqu'à présent, ça passe tout seul, à part le passage du sphincter qui est un peu délicat. Le scrotum, surtout la trompette. Le scrotum aime être frotté et le rectum aime être rempli d'une mousse dure. Jusqu'à présent. Ensuite, pour ce qui est du molletonné, il n'y en a pas moyen, quoi, parce que c'est pas en promo cette année en Bangladesh. Mais par contre, en Inde, il y a un marché pour la mousse molle, justement, comme je disais tout à l'heure. La mousse molle, donc celle qu'on peut se mettre dans le cerveau à la place du neurone. C'est une matière entièrement fécale, IT, qui ne s'épanche pas, quoi. Jamais, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Et donc, justement, en parlant de ça, eh ben, je voudrais dire qu'il y a toujours moyen de discutailler un peu, quoi. En fonction de... la tergiversance finalement, aisance. Avec une telle aisance que on n'y comprend pas grand chose. Et c'est justement ça le but, quoi. Voilà. Donc le but jusqu'à présent, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe autour de nous, ni en nous. Car comme cela, on arrive à la compréhension totale, la compréhension profonde, si j'ose dire, la conscience profonde. Voilà, donc vous êtes à présent avec nous en enfer. pour un enfer. Dans un bon enfer quand même, hein. Un enfer de merde, c'est ça. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais pas n'importe quelle merde, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous devriez essayer. Si vous vous promenez, que votre voisine a un chien ou quoi, vous devriez prendre une merde noire, une merde marron, ainsi qu'une merde blanche. Vous les prenez toutes en même temps, et ça vous portera bonheur. Tout à fait, avec la merde violette et la merde bleue que j'ai dans la face. À chaque fois que mon mari, que ma femme frappe, frappe contre le sol avec une poutre. Une poutre de Bamako. Je disais donc que jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint le but du sujet, donc justement qui est le sujet même. Comment que le but, pas dit le but même, c'est d'avoir un but dans la vie, donc une vision de l'esprit, tu sais, et donc ce que j'ai pas. Donc je vais me satisfaire d'une merde, finalement, d'être un crevard à travailler, à trimer pour les riches. Et à fermer ma gueule, parce que j'en ai rien à foutre. D'abord, moi, ce que je veux, c'est du fric pour mes gamins. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que je les encule tous, parce qu'il me faut du fric absolument pour mes gamins. Tu vois. Troisième chose, c'est que j'ai des gamins, tu vois, il me faut du fric. Donc, je les encule, les autres, parce qu'il me faut du fric. Pour du fric. J'ai déjà violé mon gamin, je peux pas le dire. J'ai violé mon gamin avec la tête, par la tête. J'ai pris ma tête. De l'argent et tu m'as violé ton gosse. J'ai remué ma tête dans tous les sens. Et ensuite, tu peux t'en branler. Je m'encarre le coquillard, tu vois, je me mets des doigts. Tu peux te monter à peine. Même mon poing. Tu peux te monter à peine, je crois. Je m'autofiste. Voilà, c'est ça. Et là, je dirais que oui. Non, mais je voulais pas. Non, mais moins maintenant. Quoi, mais, mais quoi? Là, ça va, là. Non, ça ne va pas. Non, ça va pas recommencer. Non, je t'assure que ça ne va pas. Écoute, il n'y a pas de discussion possible. S'il y a une discussion, parce que sinon, où va le monde? Non, tu vas commencer à crier, tu vas me gueuler dessus. Bah oui, je te gueule dessus, je te chie dessus même. Mon chéri, arrête. T'inquiète, hein. On se retrouve à la fin, je te pète la gueule et voilà. Je te chie dans la bouche. Et après, je suis obligé de pleurer et que tu pètes le fion. Quoi. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, tu pètes le fion à la fin de la soirée, j'en ai marre. Mais c'est comme ça. Bah oui, t'es une faible. Il y a les dominés et les dominants. Tu ne me possèdes pas. Si. Je ne suis pas une matière marchande. Tu t'en rappelles pas la dernière soirée où pour 100 euros, ben. 100 euros, mais ben je suis pas cher, pote, moi. Je suis pas 100 euros, tu sais. Je suis un pour les potes, moi, tu sais. Bah oui, mais gratuit. 100 euros, c'est pour les potes. L'amour, c'est gratuit. Plus cher, mon amour. À prix libre. Je suis pas ton amour, moi. Je t'ai fait payer, tu m'as dit. Mais 100 euros, tu sais. Je parle euros. Comme je veux, ok. Tu vois, je t'aime pas, tu vois. Je te fais payer 100 euros. Pas Farid, lui, il m'a eu pour rien. C'est pour les potes, 100 euros, tu vois. Après, Momo, mon pote, il m'a eu pour rien. Tu vois, c'est gratuit. Momo, Farid, Abdullah et Omar, ils m'ont eu pour rien du tout, tu sais. Et toi, tu m'as eu, tu t'as payé, mais alors, tu vas te calmer maintenant. T'as payé 100 euros, tu l'as non, dit tout à l'heure. Non, à chaque fois c'était justement. Tu l'as dit tout à l'heure, Farid et Abdul. T'es foutu, qui... foutu. Non, Omar, je Omar. Va te faire enculer, c'était Frédéric Momo. Qui ont payé 100 euros. Frédéric et Yvan, ok, et Robert ils ont payé 100 aussi. Euros. Jamais, ils ont jamais payé. J'aurais payé 100 euros pour toi. Ouais, c'est tu ça, tu dis pour ça qui maintenant. Tu crois que c'est quoi? Tu comprends rien à ce que tu mais dis. De quoi, je tu l'as dit rien, tout à l'heure, t'as révélé la vérité entre nous. La vérité entre nous, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. La vérité, ouais, il n'y a rien. Voilà, y a c'est rien. Ça. Voilà, et bah casse-toi, ouais, chéri. Mon chéri, ouais, casse-toi. Ouais, ouais, sale chien. Voilà, c'est ça. Ta gueule. Je t'enculé. Conrad a mangé des verres aujourd'hui. Et j'aime les verres. Les verres le mangent. Du coup, maintenant, il a plein de verres à l'intérieur de lui, dans son estomac. Il y en a un qui est resté coincé dans l'œsophage. Ça, on l'a vu quand... Quand il s'est moussé le troufion. Non, mais justement, quand Joël a essayé de... Je connais pas ça. Par contre, je connais des enculés partout. Des bâtards. Même dans l'oreille. Voilà, c'est ça. Dans surtout dans l'oreille. Il faut crier leur nom sur les toits, sur tous les toits. J'aimerais bien que tu me fasses des bébés dans l'oreille depuis le temps. Non, dans le cul. Ah oui. On t'est passé un mais petit d'abord dans présent. L'oreille. Non, j'ai envie de le faire dans mes fesses. Dans le nez. Ah, en plus, il y a de la place pour deux. En plus. Ouais, ou pour trois. Pour deux petits. Ou trois, ça trois petits. Non, on va changer de sujet. On voulait parler de la mort tout à l'heure. On voulait parler la de la mort. Mais la mort, non. C'est déjà fait. On en a parlé. Non, non, on a juste abordé le sujet comme ça, mais on n'a pas vraiment parlé quoi dessus. La mort, c'est lâche, hein. Franchement, je trouve. Moi, je pense que la mort, c'est. Tu vois, c'est comme les hippies, c'est une seconde vie. Ouais, mais bon, je pense qu'il y en a, ils feraient mieux d'aller voir cette seconde vie directement. Ouais, mais ouais. Ouais, pourquoi pas. Au final. Ouais. Non, j'aime bien aborder le sujet de la mort parce que moi j'ai rien à en dire en fait. Bah, moi non plus. Ouais. C'est que j'aime bien. C'est un peu Route. Chiant quoi. Ouais. Bah, comme ça, on peut rester là et se toucher. Moi j'aime bien me toucher. T'aimes bien te toucher devant des morts ? Alors tu... Ouais. Non mais tu rotes le micro quoi. Grave. Non, c'est pas vrai, je me suis retourné. Ça, c'est cool. J'ai la preuve, j'ai pris ma photo quand je l'ai fait. J'ai pris la photo et je me suis retourné. Non, j'ai pas roté au micro d'ailleurs. Rien quoi, j'ai rien à dire. Et je n'aurais jamais rien à dire. Est-ce que vous entendez l'odeur quand même ? Parce que c'est fou. Ça doit transpercer le micro. C'est clair, ça pue la merde. C'est horrible même parce que en fait, il y a tellement rien à dire qu'on se demande ce qui vient bien pouvoir sortir de tout ça quoi. Moi j'ai trouvé un cendrier. La dernière trace se retrouver sur le papier peint. Ah, c'est déjà ça ? Ouais, ça fait déjà 5 minutes que je me demandais où c'est que j'ai pouvoir mettre ma cendre. Justement pour te le mettre dans les fesses ? Dans le fion, c'est ça. Mais oui, avec les deux autres bouteilles qu'il y a. Comme ça, après on peut insérer le trombone. Je préfère le trombone d'abord. Parce que les bouteilles, j'ai peur qu'elles cassent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, mais ça, justement, c'est ça que c'est mieux. Non, c'est ça que c'est mieux. Et tu parles d'œsophage tout à l'heure ? Mais attends, il faut savoir. Hein. Je veux bien, mais. Non, parce que tu vois, quand le verre il s'éclate dans tes fesses, après tu mets le trombone. Et l'œsophage, ça te fait plein de petites fourmis partout. T'as pris où le mot œsophage, quoi ? Le mot œsophage, je l'ai appris chez ma tata. Ma tati ? Oui. Tati Daniel ? Non, c'est tata Véronique. Véronique. Deux qui la tiennent, trois qui la. Celle qui rigole quand on l'a. C'est tata. C'est elle qui m'a tout appris. Sur l'œsophage. C'est cool. Bon, bah, moi j'ai appris plein de trucs avec mon sphincter, mais tout seul, quoi. Donc je peux faire plein de choses avec mon sphincter. Je peux l'éclater, je peux l'exploser, je peux le prendre de travers. Je peux me frapper le sphincter par terre. Ce qui est pas mal, finalement. Ouais, moi, là, en ce moment, je me suis spécialisé dans le massage cardiaque, mais interne, c'est-à-dire en passant par l'intérieur. Voilà. Tu fais ça avec le poing ou avec la main ? Avec la main, avec le bras, le coude. Ah ouais, le cou, deux. Deux, mais des fois jusqu'à l'épaule. Bon, ça dépend. Ce que je m'étais dit, en fait, je me suis dit qu'il y avait moyen peut-être d'accéder au point névralgique, si j'ose dire. Tout à fait. Oui, tout à fait. Tout ça en travers. Suce mon beat. Ouais. Vive les punks marocains. Et suce mon beat. Ouais, suce ma dard. Ah oui. Cheddar. Femme des années 80, femme jusqu'au plus grand dessin. Blablabla. Mieux, mieux, mieux. Ouais. Non, oui, non. Peut-être parce que nous allons aller. Nous allons aller, oui, parce que peut-être que non. Ah, la lumière s'éteint, le jour arrive. Oui. C'est bon signe. Tout à fait. On n'est toujours pas mort. Parlons-en, tiens. Là. Et ce que je me demande en fait, c'est quel genre d'abruti pourrait regarder, écouter une radio en disant des trucs. Moi et toi aussi. Toi tu peux. Lui aussi. Elle. Ah oui, toi qui rigole là. Là, toi aussi. Voilà. Non mais oui. C'est l'enfer, on n'entend rien. Ah, on entend tout. Pas trop fort. Alors si jamais la vieille bique de la SPA nous entend, madame la présidente de la SPA, laissez-nous chez nous. Je ne sais pas qui c'est. Je suis entièrement responsable. Wow. Je prends tout sur moi, c'est horrible. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et sinon, on va la faire chier jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Et je pense qu'on la fera plus chier que le nombre de rides qu'elle a. Madame la SPA. SPA. Société protectrice des animaux. Non, c'est pas ça. Si. Qui fout les animaux humains. À la rue. Dehors. À dehors, ouais. À la rue. Ah, mais c'est eux. Ah oui. C'est ça, la SPA. Ils sont dans le social. Voilà. On aime ça. On aime. Alors que, justement, cette maison, cette belle maison, où la paix et l'amour règnent, est une seconde SPA. Nous ramenons des chevaux, des chèvres, des poules, des miaous, des... On a même des chiens qui tuent des chats. C'est... On reproduit exactement... Attends, l'autre jour, il y a un chat qui a tué un chien, tu l'aurais vu, mais c'était un truc de fou. Ah bon? Oh putain, il a sauté dessus, il a mordu l'œil. Direct. Ah merde. Ouais, le chien est tombé, après, bah, le chat, il a mordu les carotides, direct. Ah, est-ce qu'il a mangé ses couilles? Ah bah, il a tout mangé. Lui aussi, il mange tout. Non mais attends, produit à la ferme. Eh oui, première qualité. On ne peut plus frais. Ah non, non, pas celle-là, non, pas celle-là. Attends. Ça c'est... Arrête de me scier le bras, s'il te plaît. Big up à Florine, qui coupe le bois tous les soirs. Et pour mamie aussi. Les hommes qui changent et se ressemblent ont au cours de leur jour toujours fermé les yeux pour dissiper la brume des dérisions, etc., etc., etc. Miu, miu, miu. Ouais, j'ai décidé de changer le son un peu. Ouais, parce que c'était ça commençait à être un peu trop rythmique. Boum, boum, boum, quand même. Bah, j'ai pas de son qui fait boum boum, par contre j'ai des petites ambiances, genre des trucs qui ont rien à voir. Bon, bah vas-y, Bano. Bah c'est ça, c'est ce qu'il y a maintenant là. La fatigue et la nuit, le repos, le silence. Ça, c'est Ricardette qui chante. Oh, il faut pas écouter ça. Dans la durée, elle est toujours visible quand elle est. Machin, tout ça. Attends, il dit... Attends, tais-toi, ils disent quoi derrière toi là? C'est pas parce que t'as dit ça que c'est vrai. Non, mais monte ton micro. Monte. C'est sûrement faux. Non. Bon, sinon, on a un petit appel à faire à tous les hommes de cette radio et de cette planète. Les hommes, aussi pourquoi bien les hommes? Chien. Je sors au bras des ombres, je suis pourquoi au bas bah, des ondes. Écoute et tu verras. Seul, ah des c'est... ondes de Canal Sud à 92.2. Oh! Voulez-vous que je vous dise la vérité? Il n'est de jeu qu'en maladie, de récits vrais qu'en tragédie, d'hommes lâches que chevaleresques, d'horribles sons qu'en mélodie, et d'hommes de bon sens qu'amoureux. Mais tous les hommes sont des gros bouffons. Voilà, c'est ce qu'il dit Villon. C'est un homme, il peut pas dire ça, il a pas le droit. Je l'ai rejoint. Mais sauf que c'était pas un vrai homme. En fait, ça me rassure. Il était qu'à moitié homme. Avec des poils sous les bras? Et dans le nez aussi. Et moi j'ai même des poils entre les orteils. Ça c'est parce que c'est un descendant des Grimmings. L'habituel. Comme on joue l'aveugle. L'amour alors même qu'on y pense à peine. Sur le virage et dans tous les bras, toujours les hasards sont à sa merci et les rêves des absences, elles se sévivent toutes les raisons de vivre, de vivre, de vivre, de vivre. Ah, il y a eu François 1er qui a été élu nouveau pape. Tu crois qu'il s'est fait faire des fistes, lui, aussi? Oh, sûrement, hein. Parce que justement, il y avait une rumeur qui courait que le pape François 1er aimait bien se faire troncher par ses évêques et ses cardinaux. Fallait bien qu'un visage réponde à tous les noms du monde, hein. Oui. C'est vrai. Du coup, C'est Carvinal et Carvino. Parce que Vino comme Alvino, si. C'est Cardino, Mika. Mi-Cardino. Voilà. C'est à moitié truc comme ça et machin. Je pense que si on rentre à la maison ce soir, on va se faire tuer. Benoît. Tiens, rentre. Tarte ta gueule, hein. Tarte ta gueule. Non, pas trop fort. Tarte ta gueule. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait de toute façon. Moi, je vais te couper une clope, hein. Allez, salut. Vous aussi, auditeur de Canal Sud, vous puez la merde. Thank you. Allo, allo, allo, allo, allo, allo. Ouais, ça marche. Ça marche, bordel de Dieu, ça marche. Ouais, j'ai réussi. Ah, ça y est, vous êtes reconnecté à Radio Canal Sud 92.2, allez vous faire enculer. C'est ça, en peu de mots, c'est à peu près ça. Donc on a un message spécial de la régie qui nous demande, demande en fait à Mamie de venir la semaine prochaine. Vendredi prochain, de venir pour parler avec nous de justement de comment on fait les fistes et comment ça se passe. Parce qu'apparemment, c'est une grande adoratrice de fistes et de caca. Mais aussi bien de caca physique que nerveux. Oui. Parce que Mamie, quand elle va arriver, je vous l'ai dit, ça va déboucher du trombone. Donc soyez là vendredi prochain. À la même heure sur Canal Sud 92.2. Ah, ça fait mal aux oreilles, ça. On a une savouriquette qui se met à écouter le micro. Bravo, merci Riquette. J'écoute le micro et je parle dans le casque, tout va bien. Ah, bon. Dis-moi Géraldine, c'était quoi ta pire expérience sexuelle ? Mais la pire, hein, la pire des pires des pires des pires. Je crois que c'était avec un cheval. Avec un cheval ? Ouais, je m'attendais pas que ce soit aussi... Je ne pensais pas que c'était aussi impressionnant. J'en ai eu, hein, des grosses queues, mais celle-là, ça a été mortel. Du coup, t'étais contente ? C'était entre les deux, c'était entre les deux. Ah. Le plaisir du mal. D'accord. Tu vois. Je te conseille d'essayer. Hein. Le problème, c'est que même si j'ai un vagin assez large, le cheval, je sais pas si ça rentrera. Ah, non, j'ai essayé avec un rhinocéros une fois. Ah oui ? Bah ouais. Mais après, j'ai eu des petits soucis. Oui. Et un éléphant, tu imagines ? Eh oui. Si vous voulez que je vous raconte ma pire expérience sexuelle, Moi, c'était avec un gorille. Parce qu'en fait, on croit tous les gorilles, ils ont des grandes, des longues, des... Non, les gorilles, ils sont tout petits, ça fait un millimètre, un centimètre, centimètre comme ça. Limite une phalange de petits pouces, quoi. Non mais attends, j'ai rigolé, hein, l'autre. Il arrive, on t'a... Comme ça. Non, rien du tout, quoi. Voilà. Et toi, tu disais rhinocéros, machin. Mais oui, justement. Je te coupe, désolé, je te coupe. Non, c'est pas grave. Non, mais avec le rhinocéros, c'était pas si mal que ça, en fait. Par contre... Non, la pire des fois, c'était quand... je regardais l'heure tout le temps, quoi. Et j'étais là, je disais, quand est-ce que ça s'arrête ? Putain, c'est chiant. Et voilà. Et puis je disais, ah oui, c'est génial, encore. Ah non, stop, c'est fini, s'il te plaît, arrête ! Je jouis pas ! Voilà. On s'en fout de jouir, ce qui est important, c'est de mourir. Ou de jouir de la mort. Mais bon. De jouir de la mort, c'est bien aussi. Oui, c'est mieux ça. Quelqu'un aurait une corde, s'il vous plaît. Mais bon, quitte à se faire baiser. Autant que ce soit bien, non ? Au premier, tant que ce soit à chier, tes mains ont compris. Elles étaient un rideau. Non, mais tu dis ça parce que t'as un grand complexe, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Tout à fait, elles j'ai peur. J'ai compris la mimique. T'as peur de... L'amour. J'ai peur de baiser. Ça... De baiser comment ? Nocturne. De baiser avec ma bite. Raconte-nous la vraie histoire, s'il te plaît. Non, c'est vrai, j'ai peur de baiser. J'ai peur de baiser parce que ça me fait chier, en fait. Georges, ah oui. Je m'ennuie. Mais ça, c'est parce que t'as jamais rencontré Benichou. Mais jamais, alors je préfère jamais, alors. Rencontrer Benichou ? Ouais, je préfère jamais. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu serais vraiment très content, tu sais. Ouais, je serais très con, tant. Sans moi, Comment on fait? C'est comme ça? Ah oui, mais moi aussi on m'entend pas. Attends, et comme ça? Là. Ah oui, alors. Je me rapproche. Que ton dos repose. Ouais, je crois que je l'entends. Sur toute la surface sur laquelle il est appuyé. Je me suis brisé sur les rochers de mon corps avec un enfant que j'étranglais et ses lèvres devenaient froides en rêvant. Oh oui, son cou légèrement craqué sous l'emprise de mes doigts. Je comprends pas trop ce que tu as dit. T'as un joli j'ai peur de demander de répéter quoi. Donc ouais, bah, en fait, ouais, c'est, j'ai évité. Je t'avoue, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je disais. Merde. T'as l'impression que je lis, mais non. Et à rentrer de plus en plus. De plus en plus profond. À l'intérieur. Oui. De quoi à l'intérieur. Commencer à se... Tu me passeras, tu me feras tirer. C'est mon feu. Peut-être, il était là. Maintenant, et à jamais. Dans quelques instants. Oui. Il y a quoi dans quelques instants? Dis-moi. Bah c'est la fin en fait dans quelques instants. Non, dis-moi des bêtises. Je te jure, c'est vrai. C'est franchement pas trop tôt parce que là... Ouais, il y en a marre, hein, c'est vrai, on se fichait depuis tout à l'heure, c'est la merde. Tu m'emmerdes. Non mais c'est vrai. Non. Si, je te jure. Non. Et tu es de plus en plus dans cet état de détente. Tout en prenant conscience... Que tout était contracté davantage encore, en même temps que tu te sens de plus en plus mouvable. Bon bah on reviendra. Que tu sens ta respiration. Aller et venir là, dans ton corps, tu peux te permettre de descendre encore plus là, à l'intérieur de toi. Et tu sens que tu es ouvert. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouverte. Et tu sens que tu es ouvert. Thank you. horn at the setting of the sun. The sun says we can cry over, put our troubles on the run. But more than all these miracles above, good people, we got love. Everybody needs a love, love, love. Everybody needs a love, love, love, love. Everybody needs a